Deepfakes et désinformation par la forme. Nous sommes rendus à une époque où la technologie numérique, en s'appuyant sur des algorithmes et notamment l'intelligence artificielle, permet à présent de créer des imitations à l'image et à la voix d'individus qui sont extrêmement réalistes, soit des deepfakes, donc de l'hyper-contrefaçon, pour employer le terme francophone si rapportant, mais le terme « deepfake » est largement plus utilisé. Donc, dans le cadre de l'enregistrement présent, je vais utiliser le terme « deepfake » pour décrire la chose. Par rapport au « deepfake », c'est que aujourd'hui la technologie permet de faire ça, et ce n'est pas de la science-fiction. Je vais vous donner des références d'articles en bas de l'enregistrement vidéo présent que vous écoutez naturellement. Donc, il est possible de faire des fausses vidéos avec la voix qui est échantillonnée. En fait, l'ordinateur va échantillonner la voix à partir de ce que dit la personne dans le passé pour lui faire dire des choses. Même chose par rapport à des vidéos d'elle. Donc, c'est sûr que ça devient particulier parce qu'on est capable maintenant de reproduire des vidéos convaincantes. Il y en a notamment une que j'ai vue de Barack Obama, ancien président des États-Unis, dans un documentaire avec son intonation de voix, puis aussi son visage en train de parler. Sauf que le problème, c'est que c'était pas lui, c'était un deepfake. Donc, de plus en plus, il va y avoir possibilité de manipulation avec la forme qui va devenir de plus en plus sophistiquée. Donc, les gens qui croient à la forme, qui lui donnent de l'importance, qui sont fascinés par elle, qui sont mystifiés par elle, bien, c'est ces gens-là qui, en premier lieu, qui vont être piégés. Et c'est sûr que la meilleure façon de composer avec l'émergence du deepfake, qui est rendu possible aujourd'hui avec l'émergence des nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, c'est de ne pas croire qu'est-ce qui est présenté a priori. Donc, c'est pas parce que ça a l'air du président des États-Unis dans une vidéo que ça veut dire que c'est nécessairement lui qui parle dans la vidéo. Donc, d'où l'importance à ce moment-là, de faire usage de ce principe de l'instruction supramentale que nous a amené Bernard de Montréal, c'est-à-dire de ne pas croire, puis aussi de lire la vibration derrière la forme. Dans le sens que si on voit, par exemple, une vidéo où on voit apparaître et on entend quelqu'un qui a de l'air du président des États-Unis, on peut se poser la question intérieurement, on peut demander à l'esprit, est-ce que c'est réel? Puis là, ça peut nous dire non, oui. Ça peut nous dire intérieurement que c'est un montage vidéo. Donc, la meilleure façon de faire preuve de discernement dans une époque où la technologie va réaliser des imitations de plus en plus parfaites de la voix puis de l'image d'individu, ça va être de recours à l'utilisation de la conscience vibratoire. Donc, utiliser ses capacités de perception psychique, énergétique, pour faire une lecture de la vibration qui se dégage de la vidéo qu'on perçoit, pour voir si c'est réel ou non. Et aussi le principe fondamental de ne pas croire. Surtout dans le contexte dans lequel on s'inscrit de plus en plus, où la manipulation de la forme devient de plus en plus sophistiquée. Dans le sens que si on s'arrête juste à la forme pour distinguer si la vidéo est réelle ou pas, bien, on devient de moins en moins capable de le faire, plus que la technologie devient de plus en plus capable de nous mystifier. Donc, autrefois, pour déterminer si une vidéo était réelle ou non par rapport à une personne, bien, on s'appuyait sur certains détails. Mais là, si on est capable de reproduire tous ces détails-là avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués, donc l'analyse critique de la forme au niveau intellectuel seulement ne sera plus à ce moment-là, viable, éventuellement dans l'avenir. Ce qui veut dire qu'il va falloir aller plus loin, parce que si la forme est exactement pareille, ben, il va falloir utiliser une conscience avec une capacité de perception vibratoire, et c'est les gens qui développeront cette capacité de distinguer quelque chose dans sa réalité, non pas par l'apparence de la forme ou regarder au niveau intellectuel s'il y a des détails qui sont contradictoires, mais plutôt de sentir. Donc, le senti va devenir de plus en plus primordial pour tirer son épingle du jeu, de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire manipuler, dans un contexte où la technologie permet de plus en plus une mystification complexe avec la forme. Donc, voilà le point où j'en viens. Ce qui veut dire qu'on en vient à un point où l'analyse critique, à partir strictement de l'intellect, puis de repérer, par exemple, des anomalies visuelles dans une vidéo, ne sera plus suffisant pour savoir si la vidéo est réelle ou non. Donc, autrement dit, les capacités intellectuelles vont, avec le temps et la sophistication de la technologie, devenir de plus en plus désuètes ou limitées pour être capable de faire preuve d'un discernement adéquat. Puis la seule façon d'y arriver, bien, ça va être d'utiliser la multidimensionnalité de notre être, c'est-à-dire utiliser, entre autres, notre capacité à percevoir la vibration derrière la forme. Et c'est ça qui va être le fondement des humains nouveaux pour ne pas se faire avoir par rapport à la forme. Donc, il va falloir dépasser la capacité d'utiliser l'intellect pour ne pas se faire manipuler ou se faire avoir. Donc, il va falloir utiliser une conscience vibratoire. Et ça va être une nécessité évolutive sur le plan du développement individuel, mais aussi pour composer dans un environnement où la forme va être capable de plus en plus être trafiquée par les nouvelles technologies. Si on pense, entre autres, à des enregistrements audio ou vidéo qui vont être produits pour Internet. Et ça va être un enjeu vital, parce que c'est sûr, par exemple, dans un contexte, par exemple, où il y a des élections, il y a des campagnes électorales, ben, il est possible que des adversaires de politiciens reconnus publiquement cherchent à ternir son image en produisant des vidéos par rapport à lui, en lui faisant dire des choses qu'il n'a pas dit en réalité. Donc, c'est sûr que quelqu'un pourrait faire un deepfake, par exemple, où on voit Justin Trudeau dire des choses totalement ridicules qu'il n'a pas dit pour le tourner par la suite en dérision et lui faire dire sinon des choses à caractère, que ce soit raciste ou sexiste, pour le mal faire paraître par la suite, puis que les gens ne votent pas pour lui. Puis comme les gens regardent la vidéo rapidement, s'il y en a qui font pas preuve d'esprit critique, ben, c'est sûr que ça va le faire mal paraître. Même chose par rapport à d'autres politiciens, là. En fait, peu importe le politicien, que ce soit Donald Trump, que ce soit des politiciens aussi de d'autres pays, ben, ça va être une arme, l'utilisation du deepfakes par des adversaires de certains politiciens pour essayer de les faire mal paraître puis de les accuser d'avoir dit des choses qu'ils n'ont pas dit dans des vidéos qui peuvent nous apparaître très réalistes. Donc, ça peut servir à ça, entre autres. Il y aura d'autres usages aussi là, en lien avec ça, malveillant, là, qui peut se faire. Mais c'est sûr que dans une époque où les gens peuvent être troublés par rapport à ça ou mystifiés par la forme de plus en plus, ben ça va être de toucher à la conscience vibratoire. Donc, essentiellement, pour faire face à ça. Puis là, la technologie se développe de plus en plus rapidement. Puis ça me surprend aussi où est-ce qu'on en est rendu. D'ailleurs, j'ai tombé récemment, en faisant de la recherche sur Internet par rapport aux deepfakes, sur un article qui nous dit qu'à partir d'une seule image d'une personne, on peut produire une fausse vidéo réaliste d'elle, par exemple, en train de parler. Donc là, on est rendu loin, là. On n'a pas nécessairement besoin de plusieurs angles de la personne pour que l'ordinateur apprenne comment reproduire ça, répliquer ça, faire des algorithmes en fonction de séquences. Non, non. Une seule image de la personne à présent est possible. On n'en a pas besoin de 30, on n'en a pas besoin de 200. Donc, déjà là, en 2019, où ça fait à peine quelques années que cette technologie-là se développe, on est rendu à un point quand même assez loin là, dans son développement. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, j'ai tombé sur un article de Radio-Canada. Donc, vous allez avoir le lien là, qui s'y rapporte. Je vais en faire la lecture dans les grandes lignes, dans les prochaines minutes. Ça va vous donner une mesure où on en est rendu là, à ce sujet-là. Donc, des chercheurs de Samsung ont conçu un algorithme capable de générer des vidéos d'une personne à partir d'une seule photo. Une avancée qui suscite des craintes de détournement à des fins malveillantes. Les systèmes de ce genre requièrent habituellement de grandes quantités de données pour produire des résultats réalistes. Idéalement, le système doit avoir accès à des images montrant plusieurs angles du visage de la personne à imiter pour être capable de générer des mouvements convaincants. La particularité du système conçu par Samsung est qu'il a comparativement besoin de très peu de données pour fonctionner convenablement. Cela s'explique par le fait que l'algorithme se base sur une énorme banque de données, comptant des vidéos de personnes en train de parler pour produire ces séquences. Les vidéos contenues dans la banque de données ont été classées dans différentes catégories selon leur façon de bouger. Lorsqu'il génère une séquence, l'algorithme analyse les mouvements de l'imitateur et le compare à ses catégories de mouvements pour trouver celle à laquelle il correspond. Il compare également le visage de la personne à imiter à celle présente dans sa banque de données pour essayer de trouver une ressemblance lui permettant de produire une séquence plus réaliste. Donc voilà ce qui termine ma lecture de ce petit article très intéressant. Puis en lien avec ce dernier, bien, il y avait une vidéo où on voyait entre autres une image de la célèbre peinture de la Joconde avec son sourire énigmatique. Et dans la vidéo, donc ils ont pris cette image-là, donc de cette peinture, et ils la font parler. C'est très réaliste. Donc c'est sûr que par rapport à ça, une image pour produire des vidéos par rapport à une personne où on la voit interagir, j'étais un petit peu sceptique, mais quand j'ai vu le résultat par rapport à la Joconde, puis notamment d'autres vidéos qui ont été produites à partir d'images de personnes célèbres ou de peintures, j'ai dit « ouais, on est rendu loin » par rapport à l'hyper-contrefaçon. Donc, c'est sûr qu'en lien avec l'enregistrement présent, vous allez avoir les références là en bas de cette dernière. Sur lesquels vous pouvez cliquer là, pour en savoir plus. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui est intéressant à étudier, le développement des nouvelles technologies en matière de deepfakes, parce que c'est quelque chose auquel on va être de plus en plus confronté à l'avenir, parce que c'est une technologie qui est en essor, donc va être de plus en plus utilisée. Et c'est sûr que le meilleur moyen pour se faire face aux dérives potentielles de cette technologie, c'est dès maintenant d'utiliser son esprit critique et aller au-delà de la simple observation critique par rapport à la forme pour toucher une conscience vibratoire. Puis c'est vraiment ça qui, de mon point de vue, va faire la différence à long terme pour être capable de discerner qu'est-ce qui est réel, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, voilà ce qui termine cet enregistrement à présent. Je vous remercie de votre écoute.